Bowie, une reprise de 1963 du tube du prince du rock, Richard Berry, par les Kingsmen, autrement dit, les hommes du roi. Le rock'n'roll, une musique qui titille la bourgeoise. Vous eussiez vu les bourgeoises de dans leurs plus beaux atours, regardant par les fenêtres, vive le roi, tous leurs cocus de Marie, vive Louis. La petite aiguille est sur le 11 et la grande est sur le 11. L'horloge du Mangin Palace nous indique qu'il est temps d'ouvrir ensemble le 197e épisode de nos modestes péripéties laïques qui débutent, comme il se doit, par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaugelet. Et aujourd'hui, en cette journée d'élection, écoute bien ces révélations électoralistes, car elles n'ont d'autre ambition que de remporter ton suffrage. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Les spéciales élections régionales. Les premières estimations. Quoi ? Oh, pardon ! Et tout de suite, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour les adeptes de la pêche à la mouche. Quoi ? Des lunettes pour mieux voir le poisson sont en vente. Une paire de lunettes dernière technologie qui multiplie les chances de capturer la truite. Tu parles d'une connerie. Ces lunettes d'allure classique captent les rayons de lumière éblouissants pour mieux laisser apparaître le poisson. Est-ce que j'ai été assez clair ? On ne peut plus clair. Les dernières nouveautés, les pêcheurs presbytent. Les myopes ne seront plus obligés de superposer les lunettes de soleil et de vue. Ah oui, je vois. Les verres révélateurs de poissons sont maintenant correcteurs. Ça veut tout dire, non ? Mais quand même, il y a des choses à dire sur ces premières estimations. Oh ! Filez en vitesse. La grosse information de cette journée, elle nous vient de Doha. Où ça ? Comment où ça ? Des championnats du monde d'athlétisme en salle. Oh ouais. Avec le titre mondial au triple saut pour Teddy Tamgo. Wesh. Le Parisien s'offre même le record du monde de la spécialité. Oh, c'est bon ça ! Avec un triple bond de 17,90 m. Oh ! Soit 8 cm de mieux que l'ancien record. À tout juste 20 ans, Teddy Tamgo s'était déjà illustré avec notamment le titre mondial des juniors en 2008. Très fort. Cette fois, c'est dans la cour des grands qu'il est couronné et il peut devenir le leader que l'athlétisme français peine à se trouver. Super nouvelle. C'est super. Ouais. Un premier commentaire ou un deuxième commentaire plus exactement sur ce chiffre. Mesdames et messieurs, pourrais-je s'il vous plaît avoir votre attention ? On vient de me transmettre à l'instant un nouveau fait divers tragique. Un drame. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour David Beckham, victime de son tendon d'Achille, le bien nommé, hélas. Quelle horreur ! La rupture du tendon ne lui laisse aucun espoir. Quoi ? Beckham ne jouera pas la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est d'autant plus cruel pour lui qu'il avait réussi à regagner sa place au sein de l'équipe d'Angleterre. David Beckham a connu des hauts et des bas, mais ce qui saute aux yeux, c'est qu'il est aimé. Il a été sélectionné 108 fois en équipe nationale. David Beckham, ce n'est pas qu'un footballeur, c'est une icône. Je devrais même dire une belle bête. C'est en quelque sorte le prototype de l'anglais idéal. Il est riche, il est célèbre, il est fair-play. Ouais, c'est très bien. Il est glamour aussi, on se souvient de ses photos de lui en sous-vêtements. J'en suis resté pantois. Avec sa femme, Victoria, l'ex-Spice Girl. C'est tout ce que vous avez trouvé ? On demande quelque chose à toi. Il n'est pas certain qu'ils aient réussi à s'entendre dans cette région. Oh, oh, oh. Désolé, je dois faire mon boulot. Un automobiliste a été contrôlé à plus de 250 km/h. Vous devez vous tromper. Cet homme de 30 ans a été contrôlé aux jumelles. Mais t'es miro ou quoi ? Les jumelles qui ont affiché un message d'erreur, tant la vitesse était grande. Les gendarmes estiment qu'il roulait entre 250 et 300 à l'heure. C'est pas possible ! Le chauffeur a été arrêté quelques minutes après. Il n'avait déjà plus aucun point sur son permis et s'est révélé être positif au cannabis. C'est le bordel, hein, les élections. Hein. Les mecs, comment ils parlent ? Moi, je capte rien. Moi, je capte rien. C'est l'excuse toujours facile pour ne pas aller voter. Et la panique préfère toujours s'en remettre à des choix exprimés plutôt que de baisser les bras. Mais ce matin, élection oblige, pas d'actualité politique. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre. À partir d'aujourd'hui, je me range, je m'arrête. Oh. Pas de blasphème. Nom de Dieu de merde. Arrête ça tout de suite. Mais tu déjantes là où tu nous fais un vrai cinoche. J'ai vu un épisode d'une série une fois à la télé. Un flic racontait qu'un jour, il s'était retrouvé face à face avec un mec armé dans un couloir. Ils étaient seuls, il lui a vidé son flingue dessus, tout un chargeur, et il l'a loupé. Et voilà, il n'y a qu'un seul type et il le rate. Difficile à croire. Ça arrive, c'est bizarre. Ça arrive, c'est bizarre. Il vide tout un chargeur et il rate son tir. C'est donc un tir ailleurs. Un tir ailleurs qui pour nous sera sénégalais, car la panique s'intéresse aujourd'hui aux préparatifs de la commémoration de l'indépendance sénégalaise. Ce sera le 4 avril prochain. Et oui, nous sommes en 2010 et nous allons fêter cette année un bon paquet de 50e anniversaire d'indépendance pour les pays d'Afrique francophone. L'occasion de nous intéresser ce matin aux tirailleurs sénégalais, une petite page d'histoire. Nous vous présentons une petite page d'histoire, les hommes célèbres à travers leur descendance. Aujourd'hui, je reçois Atmen Banania, qui est le descendant de Roger Banania, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Hein, donc ton arrière-grand-père, je crois, était tirailleur sénégalais. Hein, et il est devenu vraiment une célébrité, hein, puisqu'il est sur toutes les boîtes de Banania, hein, depuis des années. Hein. Oui. Tu en as gardé quelque chose de ton grand-père, de ton arrière-grand-père? Oui, j'ai gardé les chapeaux. Les chapeaux? Oui. Toi aussi, tu es donc dans le chocolat? Non, pas du tout. Non, Moi, je suis magasinier. Ah. Eh bien, merci Atmen Banania. La semaine prochaine, on reçoit Paulette Nesquik. Eh ben, ça promet, Paulette. Cela dit, la colonisation de l'Afrique noire par la France a cessé il y a 50 ans. Mais il faut être vigilant face aux dérives colonialistes persistantes. Alors, les tirailleurs sénégalais, au cœur de notre attention ce matin, forment, dans l'armée française, un corps constitué sous le Second Empire, allègrement envoyé à la boucherie pendant la Première Guerre mondiale. Des hommes venus des colonies et très bien préparés par nos braves généraux pour devenir de vrais combattants. Alors côté volontaire, il faut une petite semaine pour leur montrer le rudiment. Quoi? Une semaine? T'es fou, non? On va pas les prendre en pension, ça se nourrit de rien, mais ça coûte quand même. Mais non, Dieu, tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir charger le pétoire. Ils ont pour être cons, ils t'en as pour une journée à leur apprendre ça, non? Mais réglementairement, il faut un minimum d'instruction. Mais mon pauvre Dieu, mais c'est des types que tu formeras jamais. Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? Tiens, par exemple, cette crapule de général Mangin, spécialiste des troupes coloniales, n'a pas hésité à les envoyer en nombre au massacre. La force noire n'avait alors pas grand prix face à la mission civilisatrice d'une France venue se balader en Afrique. Alors, comme ça, on se promène toute seule en Afrique pour son plaisir? Pour mon plaisir, je ne sais pas encore. Je suis la nouvelle institutrice de Bourkassa ou Bangui. Oh, ben ça, c'est un joli métier, mademoiselle, hein? C'est même comme qui dirait un apostolat. Il y a tellement d'Africains qui sont morts pour la France sans savoir un mot de français. Grâce à vous, les petits noirs, ils pourront apprendre à lire le nom de leur papa sur les menus de rebord. Vous êtes fâchés par ce que j'ai dit, là? Est-ce qu'on n'est pas assez pour qu'on se fâche? Oh, si on peut pas rigoler un peu. Il n'y a plus qu'à se flinguer, hein? Et en plus, les troupes noires, c'est des troupes de choc. Avec les Bretons et les Vendéens, pourcentage de tués énorme. Pourcentage de tués énorme. En tout cas, bien plus que la moyenne. Et en 1940, rebelote, les tirailleurs sénégalais sont de nouveau en France pour défendre la mère patrie face à l'Allemagne nazie. Ah, la grande surprise des métropolitains. Maurice, viens voir. Maurice, viens voir. Il y a une drôle de voiture garée devant la maison. Elle est pleine de noirs. T'as jamais vu des noirs? Oh, bah bien sûr que si, voyons, mais à cette altitude, c'est plutôt rare. Puis surtout devant chez nous. Oh, c'est bizarre, Maurice. Ils bougent pas du tout. Ils doivent être gelés. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'on fait? On va les dégeler. Oh! Et c'est la France qui s'est prise une dégelée en 1940. Les tirailleurs sénégalais, quant à eux, se sont fait massacrer par les Allemands, des gens, à l'époque, pas très ouverts sur les mélanges ethniques. Bien sûr, après la guerre, les tirailleurs sénégalais pouvaient attendre la reconnaissance de leur mère patrie. Eh bien, en novembre 1944, plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais ont été regroupés dans le camp de Tiaroy, pas très loin de Dakar. Et quand ces tirailleurs ont réclamé avec un peu d'insistance que la France récompense leur participation à la guerre, ils demandaient leur solde, quoi. La réponse fut claire. Il va falloir attendre et surtout recevoir moins que prévu. Le taux, c'est 1000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. Mais mon commandant, le taux normal, c'est 1000 francs métropolitains pour 500 francs CFA. J'ai ordre de payer 1000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. Et c'est beaucoup d'argent pour vous. mon commandant, vous insultez des soldats qui ont été de toutes les batailles. Ils étaient de la première armée de la France libre. Ouais. Qui partit de Fort Lamy à traverser le Tibesti à chasser les soldats de Mussolini à Koufla dans le sud libyen. Ce sont eux qui les premiers sont entrés à Tripoli. Ce sont encore eux qui les premiers en août 44 sont entrés à Paris. Je n'ai pas fini, mon commandant. Où étiez-vous en 1940? Oui, où étiez-vous, vous, là, en 1939-40? T'es planqué. Peut-être planqué en 1940, mais en novembre 1944, dans le camp de Tiaroy, au Sénégal, l'armée française a ouvert le feu sur ses propres tirailleurs, faisant des dizaines de morts. Et pourtant, en Afrique noire, du quartier de la Biscuiterie à Dakar, au quartier Matongé de Kinshasa, le souvenir est prégnant d'avoir combattu pour la France. Moi, engagé militaire, moi, engagé militaire, moi, pas besoin de galop, soutenez-moi du riz. Makele pas, un, deux, on sait combattant, on a soukéré. Makele pas, et un, deux, on sait combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Un, deux, ancien combattant. Voilà, c'était juste notre clin d'œil aux anciens combattants d'Afrique à l'heure du 50e anniversaire des indépendances africaines. D'autant que cette semaine, Simone Veil est entrée à l'Académie française. Elle qui fut ministre de l'académicien Giscard d'Estaing, assis sur le siège de Léopold de Sédar Senghor, le premier président sénégalais. Ainsi donc, quand Giscard ou Léopold de Sédar Senghor, Simone Veil. Car Senghor, agrégé de grammaire, a lui aussi combattu pour la France dans les troupes coloniales. Et après-guerre, son combat ne fut plus militaire mais littéraire pour la négritude, en compagnie d'Aimé Césaire, pour qui les peuples sont des volcans. Mais il faut rendre à Césaire ce qui appartient à Césaire. Coupe la musique. Écoute ça. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent, il y a des volcans fous. Il y a des volcans ivres à la dérive. Il y a des volcans qui vivent en meute et patrouillent. Il y a des volcans dont la gueule émerge de temps en temps, véritable chien de la mer. Il y a des volcans qui se voilent la face toujours dans les nuages. Il y a des volcans vautrés comme des rhinocéros fatigués dont on peut palper la poche galactique. Il y a des volcans pieux qui élèvent des monuments à la gloire des peuples disparus. Il y a des volcans vigilants, des volcans qui aboient, montant la garde au seuil du kraal des peuples endormis. Il y a des volcans fantasques qui apparaissent et disparaissent. Ce sont je, les Muriens. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas les moindres, les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés, et dont la nuit les rancunes se construisent. Il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. Aimé Césaire. Crachant des fleurs, tout ce qui n'aime pas nous unir. Slogan de conscientisation pour les jeunes qui informe les vieux à ce qu'ils comprennent les jeunes. C'est forcer à celui qui n'est pas sur le bon chemin, sans écouter les gens dans son clan. Faut mieux qu'il change vite avant que ça ne tourne au tramon, mon gars. La sincérité, la bonté, et pas pour moi, c'est la vérité. Le rêve de ma vie est devenu incontournable à tous ceux qui aiment la paix, l'union dans leur pays. Mon goti balika gomina, kanato kachine chesan. Mon goti balika gomina, kanato kachine chesan. Ça chante, c'est le style classieux du groupe malien Smod, une chanson produite par Manu Chao. C'est Romérien, Manu chez Smod. Bon, il est tard. Où est cette chambre? Nulle part. Comment, il n'y a pas d'autre pièce? Ne faites pas le gamin, venez vous coucher près de moi. Sur la couverture si vous voulez, ou dans les draps, si je ne vous répugne pas trop. Maud. Non, j'aime bien les gens qui savent ce qu'ils veulent. Alors maintenant, à 11h26, précipitons-nous dans les bras de Morphée, car avant tout, sache qu'avant-hier, se tenait la 10e journée nationale du sommeil. L'occasion d'apprendre qu'en 50 ans, le temps de sommeil moyen en France a diminué d'1h30 pour s'établir aujourd'hui à 6h58 par jour en semaine et un peu moins de 8h le week-end. Et selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, la principale raison de cette baisse du temps passé à pioncer, c'est que les Français sont de plus en plus stressés par leur quotidien. Tristesse. Par ailleurs, les chercheurs nous ont également rappelé qu'un adulte de 30 ans a déjà passé 10 ans de sa vie à dormir. Eh bien, en écho à ces informations statistiques, nos joyeux fantômes radiophoniques ont essayé de comprendre les mécanismes du sommeil. Ainsi, écoutons cette insomnie que nous rapporte notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut national de l'audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, Alina, nous étions prêts pour de nouvelles expériences. Alors nous avons testé pour vous la machine à endormir. C'est facile, il suffit de la brancher et d'aller se coucher. D'abord, on se frotte les yeux qui sont comme irrités par des poussières imaginaires. D'où la vieille histoire du marchand de sable chargé d'en jeter des pelletées aux enfants qui tardent à dormir. Les paupières peuvent battre, elles se font lourdes. Très tôt, on bâille, on soupire, puis l'atonie musculaire s'installe. Les lèvres du poète endormi peuvent être mi-closes ou viendront butiner des abeilles légendaires. Mais sur nous, ça ne marchait pas du tout. Alors Gérard Genette, en pyjama, a tenté de cerner le problème. Ce qui empêche le sommeil, c'est la poursuite de la tenue du discours. C'est la permanence du verbal. Et j'ai la certitude de l'arrivée du sommeil au moment où, dans l'esprit, le verbal cède la place à l'image. À partir de là, le rêve vient comme une sorte de gage du sommeil. J'ai besoin, et je n'ai d'ailleurs pas assez, de ce moment de rupture avec le verbal qui est en somme pour moi la définition du sommeil. Mais Jacques Trémolin n'était pas d'accord. Rien de mieux pour fermer les yeux qu'une belle histoire à dormir debout. Eh bien, je peux vous dire que les babouins ont mal dormi cette nuit. Ah bon ? Comme toutes les nuits d'ailleurs. Je l'ai appris en vivant 10 jours avec eux tout seul dans la réserve du Serengeti l'année dernière au Kenya. Quand le soleil se couchait, toute la bande, 40 babouins, grimpait aux arbres, se chamaillait encore 1 heure ou 2 avant de s'endormir. Et puis ensuite, toutes les 10 minutes, il y avait toujours un babouin qui se réveillait brusquement et qui se mettait à crier. Il avait peur en dormant, peur qu'un python grimpe dans l'arbre, qu'une panthère y saute, que les hyènes en bas passent, qu'un grand-duc chippe un bébé babouin d'en haut. Et au matin, tout le monde se réveillait grognon jusqu'à 10 heures du matin. Parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Alors qu'au contraire, prenons un animal qui vraiment ne craint rien de personne. Le lion. Vraiment personne ne peut attaquer. Il dort ses 20 heures par jour. Tout le monde était en train de s'assoupir quand soudain, Moustache s'est écrié « Eureka, j'ai trouvé !» Si vous pouviez disposer du temps des gens, de l'horaire des gens, à quelle heure vous aimeriez que les gens aillent se coucher? Je les foutrais tous au lit à 8 plombes. Tout le monde à 8 heures du soir, on éteint les lumières, couvre-feu national. Et vous alors? Et on les relève à minuit. Et on les relève à minuit. Comme ça, on traîne bien, parce que j'aime vous dire que Paris, vers 4-5 heures du matin, en ce moment, c'est pas la joie. Alors, tandis que si les gars, ils rentrent du boulot, on les met au pieu entre 8h et minuit, ils se réveillent, ils se lavent les ratiches, ils prennent un bain, ils sortent. Putain, mais ils seraient tous en pleine forme à 4h du matin. Couvre-feu à 8h du soir. Nationaliser tout le monde sous la courte pointe. Du coup, cette nuit, on n'a pas vraiment dormi. Mais on s'est posé plein de questions. Fais dodo cola, mon petit frère. Et qu'est-ce qu'on promet à Cola s'il dort? Qu'est-ce qu'on lui promet? Du lolo. Il se fout de notre gueule. C'est quoi du lolo? Lui-même, même le môme, il sait pas ce que c'est. Il veut bien dormir, mais il dit c'est quoi du lolo? Il a l'air de dire. Et deuxième couplet, alors là, ça va fort. Là, c'est papa est en haut qui fait des gâteaux. L'autre, il a besoin d'être en étage élevé pour faire un cake. Alors là, ça, c'est le mec. N'importe quoi. Maman est en bas qui fait du chocolat. Il se fout de ma gueule. L'autre. Faire du chocolat, tu sais les machines qu'il faut pour faire du chocolat, de façon propre au chocolat? L'autre, elle fait le chocolat, ouais, c'est ça. On nous prend pour des cons. C'est l'histoire d'un couple qui devait faire un gâteau au chocolat ensemble, ils se sont embrouillés, il y en a un, il a été là-haut, l'autre, elle est restée en bas, et c'est tout. Merci beaucoup, Flora Bernard, de nous avoir offert ce matin la clé des songes. Mais prenons maintenant la clé des chants, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, rejoignons immédiatement notre petit village fleuri, où nous attendent Monique, la diète, et Jean-Claude, l'éthique. La diététique, c'est justement cette semaine la priorité de Monique, puisqu'avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, elle aimerait se nourrir un peu mieux. Enfin, moins gras surtout. D'autant plus que l'hiver a été rude et mardi soir, chez son médecin, elle s'est aperçue non sans effroi qu'elle avait un peu stocké. Vous entrez dans la catégorie surcharge pondérale classique de la française gourmande. Du croissant au beurre, et de la coupette de champagne avec sa farandole d'amuse-gueule pour fêter tout et n'importe quoi, à tout bout de champ. Les petits plats bourgeois, les bonnes bouffes, le millefeuille le dimanche chez sa maman. Grosso modo, est-ce que je me trompe? Non, j'adore manger. Eh oui, résultat des courses, vous avez stocké un peu partout et maintenant, il y a du travail. Il va falloir désengorger tout ça. Eh oui, Monique a pris 6 kilos depuis Noël. Et il est hors de question, bien sûr, de continuer à glisser sur cette pente adipeuse, avec le risque cet été de ressembler à un phoque échoué sur la plage. Non, il faut agir vite et mettre au régime toute la maisonnée. Résultat, dès mardi dernier, au dîner, carottes râpées sans vinaigrette et haricots verts vapeur pour toute la famille. Évidemment, à la fin de ce repas frugal, Jean-Claude et son fiston ont grave les crocs et un peu les boules, surtout Rémi. Bon, c'est chiant, ce repas-là. Moi, j'y vais, j'ai du boulot. Comment ça, c'est chiant? Ouais, c'est chiant. Bah, le boulot attendra. Il y a du dessert. Ah ben voilà. Bon, on va le regarder pendant combien de temps, ce machin-là? Ce machin, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une tarte aux fraises. Oui, mais on peut en manger ou faut rester le nez dessus pendant une plombée et demie encore? Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. C'est marrant parce que d'habitude, dans les tartes, moi, je mange les fruits puis je laisse la pâte. Mmh. Bah, je laisse tout, là. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je crois que je me suis coupé la gencive avec un grumeau cuit. C'est possible ou pas? En effet, Rémi vient de se blesser avec la tarte aux fraises hors saison de Monique. Enfin, un parpaing de farine plutôt, puisqu'il n'y avait ni beurre, ni sucre, ni crème. C'est alors que Jean-Claude se met en pétard, car il ne supporte plus cette tyrannie de l'apparence. Désormais, tu ne peux plus y échapper. Au printemps, toutes les gonzesses veulent ressembler à Kate Moss. Alors que lui, il préfère les femmes bien en chair, comme Monique en ce moment. Mais comment faire pour crier sa colère? Eh bien, à la fin de ce dîner, Elsa, la fille de Jean-Claude, lui propose quelques pistes. Il y a des tas de façons d'alerter l'opinion publique. Bob Dylan a écrit des chansons, César Chavez a fait des grèves de la faim. Ben voilà, je vais faire une grève de la faim. Toi, tu pourras jamais faire une grève de la faim. Tu manges en te brossant les dents. Tiens, là, t'es en train de manger un saucisson géant. Et alors, je peux arrêter et j'arrêterai. Je fais une grève de la faim à partir de maintenant. Ainsi, pour lutter contre le règne des régimes imposés par les magazines féminins, Jean-Claude croit détenir l'idée du siècle, la grève de la faim. Du coup, il va se laisser dépérir. Et par cette démarche absurde et sacrificielle, il espère provoquer au moins un gros boule-les-bains chez les adolescentes, une authentique prise de conscience. Cela dit, le lendemain, les jeunes filles en fleurs du village n'ont pas tout compris de la volonté profonde du Jean-Claude. 3 semaines sans manger, c'est ça qu'il a dit ? Bah oui, c'est une grève de la faim. Une grève de la faim, mais pourquoi faire ? Ça, c'est pour attirer l'attention des journalistes. Ah, d'accord. En même temps, il y a des pays qui font grève de la faim toute l'année, tout le monde s'en fout. Eh oui, parfois la jeunesse de Grosboule fait preuve d'un cynisme redoutable. Ou d'une connerie remarquable, on ne sait pas trop. Toujours est-il que Jean-Claude ne flanche pas, et malgré les sarcasmes, il poursuit sa grève de la faim afin de protester contre la dictature des régimes alimentaires. Néanmoins, après 3 jours de jeûne, et alors que tout le monde se contrefout de sa lutte, Jean-Claude commence à ressentir les premiers effets de sa sous-nutrition. Et figure-toi qu'au 3e jour, avant-hier donc, en pleine période de carême catholique, Jean-Claude s'est mis à délirer et à soliloquer dans la cuisine. J'entends le bruit des fourchettes. Elles gazouillent comme des oiseaux. Ah, oh, c'est dur, Jésus. Vous y êtes passé, vous aussi? Vous avez jeûné 40 jours dans le désert? Mais comment vous avez fait? Moi, il y a à peine 3 jours et je... Vous aussi, Seigneur, vous avez eu des hallucinations? Vous croyez voir, par exemple, la poignée de la porte? C'est du macaroni. Un gros macaroni. Oh là! Cette grève de la faim commence à peser sérieusement sur la santé mentale du Jean-Claude, ce qui inquiète Monique, bien sûr. Certes, de son côté, elle a perdu 400 grammes depuis 3 jours, mais elle est surtout en train de perdre son Jean-Claude, en plein délire mystico-christique. Du coup, hier midi, elle a demandé à son frère Freddy de venir déjeuner à la maison, histoire de raisonner Jean-Claude. Seulement voilà, Freddy soutient pleinement son beau-frère, ras-le-bol de ce diktat de l'apparence. Vive les grosses et les kermesses rablaisiennes. D'ailleurs, devant Jean-Claude, pour le soutenir, Freddy et Rémi se sont mis à parler grosse bouffe. Moi, tu vois, ce que j'aime bien, c'est les bonnes brochettes de viande. Ah ouais. Tu vois, avec t'alternes viande grasse, viande maigre, avec des petits légumes dedans. C'est quoi ça? C'est des nems au poulet. Et tu prends bien tes poivrons, tu les coupes bien, tu les fais bien saisir. Ah, tu mais vois, ça sent une braise bien rouge. Arrête, t'es fou, tu vas pas craquer maintenant. Attends, mais ça fait 3 jours que tu tiens. Non, mais c'est, non, c'est, pas, c'est pas pour manger, ça. Ouais, c'est dommage. Elle a pas les pas venir bouffer devant moi, là. Ça va, calmos. Non, mais ils sont où tes nerfs d'acier, là? Monsieur prêt à mourir pour la cause, toi, tu me déçois. Bon, allez, viens, on remballe ça, là. Il va me couper ma digestion avec sa gueule de crève la faim, là. Oh là là là là, je suis triste. Affamé, notre Jean-Claude était au bord du meurtre. D'autant que sa grève de la faim, au profit d'une nutrition grasse et pantagruélique, ne semblait mobiliser ni les médias, ni même les voisins. Du coup, hier après-midi, c'est surtout le stress qui consommait les graisses de Monique, à tel point qu'elle a décidé d'appeler les urgences psychiatriques. D'ailleurs, Jean-Claude fut pris d'une nouvelle crise de délire devant cette femme psychiatre venue lui porter secours. Vous n'avez rien mangé. On dirait que tout vous ennuie et vous irrite. Pour l'amour du ciel, n'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous? Rien qui puisse vous distraire? Bon, puisque vous parlez de distraction, il me vient bien une idée. Et c'est la seule chose qui pourrait me divertir vraiment. Dites, vous savez que je ne saurais rien vous refuser. Je désirerais que Podane me fasse un gâteau. Qui? Podane. Mais vous ne la connaissez pas. Un gâteau? Vous n'avez même pas faim. Discutez pas, c'est la seule chose qui me fasse vraiment envie. Je comprends que cette distraction vous paraisse banale, mais elle en vaut bien une autre. Un gâteau? Podane, dites-vous? Oui. Podane. Bien sûr, la psychiatre n'a rien saisi à ce délirium. Mais soudain, Monique, elle, fut très émue par les paroles de Jean-Claude, car Podane, c'est son film préféré. Et Monique a aussitôt compris que Jean-Claude lui réclamait un cake d'amour, afin qu'ils partagent ensemble ce plaisir sucré et aphrodisiaque. Immédiatement, Monique a dégoté la recette. Et hier soir, certes, Jean-Claude avait échoué dans son entreprise, mais il était guéri et ils se sont empiffrés de ce cake légendaire. Fin de l'histoire. Cela dit, leur fils Rémi a bien retenu la leçon. et pour obtenir le droit de rentrer plus tard le samedi soir, il sait que la grève de la faim, ça ne marche pas terrible. Ainsi, il a proposé à ses potes d'aller encore plus loin. J'ai trouvé encore plus efficace que la grève de la faim. Je vais faire la grève de la parole. Ma parole, c'est-à-dire plus aucun son ne sort de ma bouche. Je ne vais plus jamais parler de toute ma vie, ça y est. À partir de maintenant même. 5, 4, 3, 2, 1. Mmh. Oh, à propos, faut que j'y aille, moi. J'ai rencard avec ta sœur. Non, mais ça va, oh. Je l'emmène chez moi. Je vais lui mettre un bon disque, du funk et du sexe. Je vais lui mettre un... Let the music play, Marvin Gaye. Attends, t'as pas trois capotes? Je voudrais y aller avec deux frères à moi. Oh, t'es fou, toi, tu te mets quelque malade ou quoi, toi? Let the music play, c'est pas de Marvin Gaye, c'est de Barry White. Bien, chacun jugera ici l'ampleur de la bienveillance fraternelle et protectrice de Rémi à l'égard de sa sœur Elsa. Il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours en direct du Mangin Palace et qu'à 11h41, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple, c'est une saillie dans la pente d'une toiture, à savoir la lucarne. Pourquoi ? Tout simplement parce que même sans l'avoir vu, personne n'a pu échapper cette semaine à ce débat autour du documentaire de Christophe Nick intitulé « Jeu de la mort » diffusé mercredi dernier sur France 2 où il était question, par le biais d'une fausse émission de télé-réalité bien trash, d'évaluer l'emprise de la télévision sur nos comportements. Au final, l'audience de cette soirée fut assez minable. Néanmoins, notre facétieux reporter a voulu en savoir un peu plus et il est allé tendre son micro à monsieur Alexandre Lacroix, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine et dont le dernier numéro titrait « La télévision nous rend-elle mauvais ?». Ainsi, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce qui nous fascine à travers la lucarne. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot « wacht ». Quatre voyelles, trois consonnes, lucarne. Alors, lucarne vient du latin lux, la lumière, et rapporté à la télévision, le mot lucarne dit quelque chose de très juste sur la fonction de la télévision, c'est-à-dire que si la télévision nous fascine tant, c'est d'abord parce qu'elle est une lumière et qu'elle nous aide à lutter contre la peur de la nuit. C'est pourquoi souvent on allume d'ailleurs la télévision le soir. Et puis alors, t'as la télévision. Un mec qui rentre du boulot, ses informations le soir à 8h, clac. T'as des mecs qui arrivent là avec des tronches de premier de la classe, comme c'est pas permis. Bonjour Brushing, enchanté, moi c'est Brushing. La télévision nous hypnotise et nous protège de nos propres angoisses. Elle fait dévier le cours de notre conscience et de notre rêverie vers des images scintillantes et elle nous empêche de voir la nuit qui nous entoure. Cette télé... C'est vraiment n'importe quoi. Ah oh bah tu vois, j'ai bien aimé, moi. Oh bah toi, bien sûr. Dès qu'il y a une femme nue quelque part. Il y a une inquiétude qui vient du fait que... D'ailleurs, ça vaudrait même si c'était la littérature qui provoquait cette hypnose généralisée. Il y a une inquiétude à cause du temps passé. Si, en moyenne, un individu passe 3h30 par jour et le double le week-end... à regarder la télévision, alors ça fait 14 ans dans une vie d'adulte. Alors la télévision est quasiment notre première activité après le sommeil, puisqu'on travaille qu'une toute petite partie de la vie. Agathe la télévision, Épidore. Agathe la télévision, Épidore. Agathe la télévision, Épidore. Et alors, il y a un risque que les comportements, les violences, Le mercantilisme, les obscénités, enfin tout ce dont la télé nous abreuve, parce que pendant ces 14 années de vie télévisuelle végétative, on ne voit pas que des bonnes choses, eh bien, il y a quand même un risque que tout cela nous hante et réveille en nous des pulsions négatives. Comment ces milliardaires ont-ils fait fortune en partant de rien? Leur business est-il propre? Une enquête de Quentin Margot et Eric Metzger. Maryse, je viens de voir un extrait de Capital avec Guy Lagache. Il parle fort quand même, hein. Il y a aussi des thèmes intelligents sur Arte, des documentaires qui peuvent valoir la peine d'être regardés sur France Télévisions, par exemple. Il y a aussi des choses qui permettent d'apprendre sur le monde. Non, c'est pas votre point de vue. Non, parce que pour moi, c'est complètement indécidable. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui aime le foot, un match de foot est une bonne chose. Pour quelqu'un qui n'aime pas, c'est une mauvaise chose. Vos choix se portent sur des préférences culturelles, des hobbies. Ça dépend de votre milieu social, de vos influences, de votre éducation. Donc comment oser dire une émission littéraire, c'est bien. Et puis... un feuilleton, c'est mal. Enfin, je veux dire, ça me paraît vraiment être une posture d'intellectuel caricatural et ne valant pas le coup. Véritablement un dimanche qui comptera dans votre vie et celle de vos enfants. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot tic-tic-tic-tic. Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. Certes, bien souvent, la télévision est une source de désillusion et d'écœurement. Par exemple, les éditions spéciales pour les élections régionales dimanche dernier étaient d'une indigence crasse. Cependant, ne compte pas sur nous pour désinguer et diaboliser la lucarne, ce serait crétin. Car quand Arte diffuse la série Corpus Christi, par exemple, eh bien, c'est merveilleux. Et puis surtout, lorsqu'elle se moque d'elle-même, la télévision peut être savoureuse. Jean-Michel, bonsoir. Tu as enquêté pendant plus de 8 mois, souvent dans des conditions de tournage très difficiles, parfois même au péril de ta vie. Ouais. Alors avec ton équipe, vous êtes resté longtemps sur place pour vous infiltrer, et je crois que tu as rapporté des images terribles. Oui, tout à fait, oui. Vous voulez les voir? Bah oui. Ah d'accord, ok. Merci. Alors... Non, c'est pas... Attendez, où est-ce que je les ai rangés? Bien, Jean-Michel, tu vas être gentil de te manier parce que nous sommes à l'antenne, là. Allez, voilà. Ah. Non, c'est pas ça. Oui. Alors. En fait, j'avais fait des photos, mais elles sont pas encore développées. Alors là, c'est plus des notes de voyage, hein, des impressions que j'ai jetées comme ça sur le papier. C'est brouillon. Hein. Mm-hmm. Non, mais je vous avais prévenu, hein, je suis pas journaliste, hein, j'y connais rien. Hein. Mm. Enfin, je comprends, hein, vous devez être déçu, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Ouais, effectivement, ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans le métier un suicide audiovisuel. Quant à moi, si je puis me permettre, j'en ai ras le cul de bosser dans ces conditions de merde. Nouvelle vague, nouvelle vague. Une petite MG, trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, là. Voilà nos trois pépères, soudain tout éveillé par cette nouvelle vague. Pas mal du tout. Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, frère, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. Moi je prends la petite roue. Et les gars, n'oubliez pas. Nouvelle vague. Nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est l'ancêtre Richard Anthony qui se l'a joué surfeur en 1959 sur les plages canoises. Les ancêtres, c'est Melville, Varda, qui ont été les premiers prototypes de ce que sera la nouvelle vague au point de vue production. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis farouchement pour. Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Morgin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, cette semaine, au moment où le dernier essai d'Elisabeth Badinter avive le débat dans les mouvements féministes, la presse s'interroge sur la place de la femme dans notre société. Alors, pour commencer, le quotidien USA Today de jeudi dernier nous rapporte un horrible fait divers, qui aurait d'ailleurs pu être évité par un bon nettoyage de printemps. Après avoir passé la nuit dans un hôtel à Memphis, dans le Tennessee, des clients ont signalé une mauvaise odeur. La chambre a été fouillée et sous le lit, qu'a-t-on trouvé ? Eh bien, le corps en décomposition d'une femme planquée là depuis le mois de janvier. Alors, son compagnon l'a sans doute assassinée. Et oui, hein, Philippe, pour beaucoup de tarés, la place de la femme est celle du punching ball. Il a planqué le corps sous le lit. Et pour rajouter du sordide à cette histoire, depuis le drame, la chambre a été louée 5 fois. Et oui, ça veut dire qu'il y a au moins 5 personnes qui ont dormi avec un cadavre sous le lit. C'est absolument horrible. La place d'une femme n'est pas sous un lit. Oh papa, j'entends quelques esprits graveleux s'exclamer. La place de la femme, c'est dans le lit. Ouais, ouais. Alors bon, c'est ce qu'a dû penser Franck Fontana à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La société de presse nous rapporte que mercredi dernier, vers 5h30 du matin, alors qu'il se lovait dans son paddock, Franck a senti un corps doux et chaud se glisser sous les draps. Bon, Franck, ça doit être un sérieux que tard, hein, parce que tout de suite, il a imaginé qu'il s'agissait d'une de ses nombreuses conquêtes qui venait lui rendre une petite visite nocturne. Alors, il a dit « C'est toi, chérie ?» Et il a entendu un très viril « Non !» Il a bondi du lit et il s'est retrouvé nez à nez avec un type qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Cet intrus nocturne avait assisté la veille au concert du rappeur Jay-Z. Et comme il était un peu ivre, puis il avait froid, bah il est entré dans une maison au hasard et il s'est pioté tranquille comme ça dans le premier lit venu. Bon, Franck n'a pas été charitable, il a appelé la police. Bon, Philippe, hein, la charité est en recul. Et d'ailleurs, pour réveiller la générosité de ses fidèles, le diocèse de Nancy a eu une bien étrange idée. C'est ce que nous apprend le quotidien La Croix. Afin de récolter des dons, ce diocèse a lancé une campagne publicitaire faite d'affiches 4x3 qui clame en grosses lettres noires sur blanc « En 2010, Jésus crise !» C'est pas mal. Et en sous-titre en rouge « Donnez, que diable !» Bon, c'est drôle, hein, c'est pas méchant. Pourtant, cette affiche fait un petit scandale dans une partie de la communauté catho de Meurthe-et-Moselle. Oui, il y a des slogans qui passent mal. Ainsi, le Daily Telegraph nous raconte que la semaine dernière, Lloyd Berks, 38 ans, s'en allait prendre tranquille l'avion pour de petites vacances en Autriche. Et il a été enquiquiné par la sécurité de l'aéroport de Gatwick, au sud de Londres, parce qu'il portait un t-shirt où était écrit « La liberté ou la mort ». Alors, l'officier de sécurité lui a demandé de mettre ce t-shirt à l'envers, car la phrase, pourtant un tantinet historique, était trop menaçante. La liberté ou la mort, grosse insulte dans notre monde d'aliénation à la consommation et au tout sécuritaire. Alors, Philippe, je vous rassure, hein, les têtes pensantes de l'aéroport de Gatwick ont présenté leurs excuses et ils ont déclaré qu'il s'agissait d'un excès de zèle de la part du petit personnel. Alors tenez, cette semaine, il y a un autre Gugus qui s'est distingué par son zèle. C'est Mykola Azarov, le nouveau Premier ministre ukrainien. Et une pointure, hein, celui-là, j'aime bien. Alors, deux dépêches de l'agence France Presse, tombées coup sur coup vendredi, nous en apprennent de belles sur son compte. Mykola Azarov, déjà, c'est celui qui succède à Yulia Tymoshenko. Vous savez, cette femme politique ukrainienne, icône de la Révolution Orange, également remarquable par son improbable auréole blonde que lui dresse sa tresse. Eh bien, Mykola Azarov, le nouveau Premier ministre ukrainien, donc, a fait bénir son bureau par un prêtre orthodoxe afin d'y exorciser l'esprit de son prédécesseur. Il était difficile d'y respirer, dit-il. Après la bénédiction, ça a été plus facile. C'est très, très rassurant tout ça. Hein. Mais surtout, Mykola Azarov vient de déclarer